Injuzes, qu'est-ce que t'am? Yerekeres, qu'est-ce que t'am? Ashkari, tere, kagam, yar, yar, yar, modot, kagam. Te hangart, mi mod gisher, hangistat korsnes. Na keshita, na keshita, im siro chap. Te hangart mi mod gisher hangistat kortsnes na keshita